Aujourd'hui, on débriefe l'Indonesian Open. Les Jeux Olympiques arrivent et c'était le dernier gros rendez-vous où toutes les stars étaient présentes. Donc, on va forcément se pencher sur les résultats et voir ce que ça pourrait annoncer pour les Jeux Olympiques. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally! I'm the bad guy. Take that! Salut Benoît, comment ça va? Salut Ewan, très bien, à part que t'as parlé d'Indonesia Open et moi je pensais qu'on débriefait les élections européennes d'hier soir, mais visiblement je suis pas venu dans le bon podcast. Ah ouais, donc t'essayes de me mettre dans la sauce directement. On peut débriefer le France-Canada aussi, un bon 0-0 aussi. si tu veux pas parler de bad, il y a de quoi faire, ou Roland-Garros aussi, c'est toi qui vois. C'était un peu mieux ça, mais... C'est vrai. D'ailleurs, Benoît, en parlant de Roland-Garros, je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai beaucoup regardé de tennis et pas mal de bad aussi cette semaine. Et ça m'a fait marrer quand il y a eu beaucoup de genre de polémiques à Roland-Garros sur le public qui fait du bruit et tout. Et je me dis, il y a certains joueurs de tennis, si tu les faisais jouer dans la salle de l'Indonesian Open, il y en a qui feraient des syncopes, je pense. Ouais, je pense que j'en connais deux, trois, genre au hasard, Novak Djokovic, comme ça, là. Ou Iga Swiatek, je pense voilà. Que beaucoup auraient voilà, arrêté leur carrière. David Goffin qui avait ouais, râlé voilà. Aussi. Ouais, ouais. Je pense que jouer dans une salle fermée où le public il fait des « ah, ah, ah » quand tu frappes, je pense qu'il y a pas mal de joueurs ou joueuses de tennis qui supporteraient pas, mais bon. Ça met pas mal en lumière ouais, les différences qui existent entre les sports, mais Benoît... Petite transition sur ce que je voulais te lancer avant les tableaux, c'est que ok là on n'a pas eu le super 1000 avec le plus d'enjeux, mais qu'importe l'année, le contexte, etc. L'Indonesia Open c'est vraiment un tournoi de fou, je trouve. Bah en vrai, si on n'était pas chauvin et très européen, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur tournoi du monde. Bah ouais, franchement je trouve que niveau passion du bad, niveau ambiance, c'est sans égal. Tu vois que gagner là-bas, je me souviens que c'est Jorgensen qui en parlait, parce que lui a gagné là-bas en 2014, et que tu voyais comment il en parlait, et c'est évidemment pas au niveau des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, mais vraiment pas loin derrière, je pense. Et beaucoup de grands joueurs ont galéré à gagner là-bas, ou alors n'y sont jamais arrivés, Donc ouais, c'était une très bonne semaine. Et ouais, Benoît, dernier truc avant de parler des tableaux, c'est que là, beaucoup de joueurs, même si on regardait le calendrier, va avoir une petite tournée américaine. Il y a le tournoi en Australie la semaine prochaine. Mais là, on a quand même eu la répétition générale avant les Jeux pour pas mal de joueurs et joueuses. Ouais, et on va rentrer dans les tableaux plus en détail juste après, mais je pense que ça va... Contrairement à ce qu'on avait dit pour le reste de la tournée, ça nous a donné quelques indications, ou en tout cas, je dirais quelques tendances sur qui est en forme, comment ils avaient prévu peut-être, leur prépa et à quel point l'Indonesia Open était important dans tout ça. Effectivement. On va rentrer. Il y a eu quelques surprises, vous allez le voir, notamment en finale où il y en a eu pas mal. On va tout de suite donc se tourner vers le premier tableau, à savoir le double mixte, où il y en a une, Benoît, puisque confrontation sino-chinoise entre Zheng Wang et Jiang Wei, mais ce sont les plus jeunes, Jiang Wei, tête de série 5, qui ont battu leur compatriote tête de série 1. C'est leur troisième victoire contre eux. Ça fait 3-3 maintenant dans les confrontations. 21-11, 21-14. Et Benoît, match assez surréaliste quand même, hein, avec Zheng Wang qui prennent un 11-1 ou 11-2 dès le début du premier. Ils n'arrivent jamais à revenir. Et je me dis, et peut-être tu te dis, et beaucoup se sont dit que le deuxième allait être bien différent. Et il a été un peu différent, mais... La paire qui était largement meilleure a logiquement gagné. Ouais, je partage totalement. Beaucoup trop de fautes de Zheng Wang, ils nous ont rarement habitués à ça. Je dirais même pas des fautes provoquées, parce que ils n'ont pas produit le niveau de jeu auquel On est habitué à les voir jouer en tout cas, et Django, ils méritent amplement leur victoire. C'est la plus grande victoire de leur jeune carrière, parce que cette paire-là, faut pas oublier qu'il y a un an et demi, peut-être même un an, on savait pas qui c'était. Donc c'est la plus belle victoire de leur carrière, et aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, on a quand même trois paires chinoises qui sont pas top 3 mondiales actuellement, mais qui raflent quand même tout, mais vraiment tout depuis 18 mois, à part les mondiaux. Ouais, non, c'est clair, c'est Jiang Wei, ces derniers temps, c'était un peu moins bon que le niveau qu'ils avaient réussi à montrer quand ils avaient percé, on va dire, mais ça restait une paire très solide, et oui, effectivement, la Chine est tellement forte en mixte, c'est impressionnant. Puis ouais, pour revenir rapidement sur le match, j'ai rarement vu Zheng Wang autant en difficulté pour finir un point. Ouais. Ils ont joué des rallyes sans, où ils avaient l'avantage, mais sans réussir à finir, leurs adversaires ont vraiment très très bien défendu, mais ouais, Zheng Wang, je trouve que pas mal de mauvais choix aussi, ils ont pas mal manqué de lucidité, et c'est assez inattendu de leur part en effet. Donc victoire totalement logique de Jiang Wei. Bon, en plus, Benoît, pour le coup, ils n'avaient pas eu les premiers tours les plus difficiles, mais quand même, ils ont quand même une demi-finale contre Tan Lai, qui était un peu la vite et surprise à ce niveau-là de la compète, Benoît. Mais il faut quand même le dire, ils ont battu leurs autres compatriotes, qui eux aussi sont une paire en forme du moment, Feng Wang, en 3-7, 21-16 au troisième, dès les quarts de finale. Et Benoît, là, je pense que voilà, même c'est quand même notable le fait que pour aller prendre ce titre, ils écartent leurs deux paires de leur pays, qui sont normalement plus fortes. Ouais, bah c'est surtout celle-là, même, j'ai envie de te dire, qui est la plus marquante, parce qu'il y avait 7-0 ou 8-0, je sais pas si t'as la stat sous les yeux, et ils les avaient jamais battus, et bah, surtout que Feng Wang, on avait quand même dit qu'ils étaient revenus à un niveau intéressant après un passage, pas avide, mais un passage un peu moins bien. J'ai été très surpris, et de la qualité de jeu de Jiang Wei surtout, sur ce match. Ouais, ça faisait 7-0, t'as raison. Donc, c'est vrai qu'effectivement, j'avais ça aussi en tête, qu'ils avaient beaucoup plus de difficultés à battre Feng Wang que Zheng Wang, bizarrement. Je précise, tant que j'y pense, toujours pas de JKL Delru, hein, je l'ai dit la semaine dernière, pas de tournée asiatique pour eux, donc on va, et du coup pas de paire française, donc on va se concentrer sur les différentes têtes de série. On a vu Poivre à Necrotère, Atanachai mieux, Benoît, on leur était un peu tombé dessus la semaine dernière, et même la semaine d'avant, je crois. Premier tour très difficile contre leur compatriote Jomko Paisampran. Mais derrière, ça allait mieux. Après, ils ont battu Maulana Marwa et Fernandinsia Wijaya, deux paires indonésiennes, avant de perdre 21-19 contre Zheng Wang. Bon, Benoît, c'était pas flamboyant, mais déjà beaucoup plus proche du niveau auquel on veut les voir, et on s'attend à les voir. Ouais, c'est ça, beaucoup plus proche du niveau auquel on s'attend à les voir. Je crois que t'en as parlé, mais en début de semaine, j'ai regardé leur premier tour. Et ils sont passés franchement très proche de la correctionnelle. C'est on va dire rassurant dans la perf, un peu rassurant aussi dans le niveau de jeu par moment, mais on est encore très loin de cette paire qui faisait demi-finale à tous les tournois, sur tous les majeurs, il y a encore 2 ans. Ce qu'on a vu là, c'est sur la bonne voie. Maintenant, comme on le dit régulièrement, c'est dur de tirer des conclusions sur une seule semaine. Benoît, performance, celle dont tu m'as parlé aussi cette semaine, de Seo Chae, deuxième tour, ont perdu contre Fernandinsia Wijaya, 21-15, 15-21, 21-4 au dernier set. Qu'est-ce qui s'est passé, Benoît? Ils sont rincés. On a eu la discussion, on a eu un débat sur le Discord, et j'étais le premier surpris. Je sais plus avec qui on a parlé de ça, mais la personne était surprise qu'ils soient tout autant alignés sur la tournée asiatique, on les repose pas un peu, sachant qu'il y avait plus grand chose à jouer là dans l'immédiat. Je pense très sincèrement qu'après cette Indonesia Open, il est temps que CO parte en vacances au moins jusqu'à 2 semaines des Jeux, parce que là, sinon, on va l'avoir dans un état à Paris, ça va être une catastrophe. C'est clair, ce serait intéressant de regarder avant les derniers mondiaux où il fait le doublé, s'il a beaucoup joué avant, ou alors ce que c'était sa préparation, mais je pense qu'il serait bien inspiré Bah, de s'inspirer justement de ça parce que, effectivement, ces derniers temps, ses résultats, ils sont vraiment pas au niveau auquel on l'attend, mais forcément, c'était peut-être pas attendu, mais quand tu joues autant, au bout d'un moment, à ce niveau-là, Ah tu ouais. finis forcément par le payer. Du côté de Watanabe Higashino, ça va pas mieux. Abandon au troisième contre, enfin avant le troisième contre Christian Senboyeux dès le premier tour. Et du coup, c'est Tanlai qui sont plus tête de série, mais qui en ont profité. Ils ont battu notamment Christian Senboyeux, puis Kim Jeong, avant de perdre face à Jiang Wei. Voilà. Et pour le reste, Benoît, je sais pas de quoi tu veux parler. On a vu Tang Tse qui eux ont tenu leur rang, ils perdent en quart contre Zheng Wang. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur une paire de mixtes. Non, bah, juste sur Tang Tse, comme tu l'as souligné, je sais que la semaine dernière, on avait dit que c'était une paire qui perdait quasiment plus au premier tour, qui était dans une bonne forme. Ils nous ont quand même remontré là qu'effectivement, c'était une paire sur qui on pouvait compter encore. Après, t'as parlé de Watanabe Higashino, toujours pas de Tom et Delphine, évidemment, qu'on ne reverra probablement pas avant les Jeux, si on en croit leur dernière sortie dans la presse. Je sais pas, on en parlait au tout début, mais c'est vrai que ce tableau-là, quand Watanabe et Higashino sont à ce niveau-là, et quand ces Ochai sont pas capables d'être monstrueux, ouais, la mainmise chinoise qu'on n'a pas forcément vu arriver à ce point-là est impressionnante. C'est clair que c'est drôle de se dire que la paire qui gagne assez facilement cette semaine ne sera même pas au jeu. Ouais. C'est quand même assez fou de dire ça. Mais que malgré ça, effectivement, Benoît, avoir pour moi ces Ochae, leur niveau, c'est un peu l'interrogation. Mais a priori, sur les dernières sorties, est-ce que les Chinois sont favoris pour faire or et argent à Paris? Moi, je dirais oui, hein, franchement. Et t'avais l'air d'être d'accord. Ouais, ça dépendra du jeu des têtes de série aussi que j'ai pas en tête là tout de suite. Mais oui, à minima. Ah, pour moi ils sont 1 et 2, ils sont 1 et 2 les Chinois me semble-t-il à la race, hein, donc Ok, bah à minima de toute façon, oui. Bah du coup, si tel est le cas, forcément, pour moi, la logique voudrait une finale sino-chinoise, ouais. qui serait donc quasiment le remake de celle qu'on avait eue à Tokyo. Allez, on passe au deuxième tableau, le double dames. I'm the bad guy. Take that! Double dame, bah, j'ai envie de dire, Benoît, je vais te dire la même chose que pour le mix, c'est-à-dire la paire qui n'était pas favorite à gagner, en l'occurrence Baek Li, les coréennes, contre Chen Jia, les chinoises, tête de série 2, qui battent les unes. Et encore une fois, comme le mix, c'est totalement logique parce que on a rarement vu Chen et Jia aussi dépassées. Elles se sont fait mitrailler pendant, Oh là j'ai pas la là. durée du match, mais pendant tout le match. Et franchement, ouais, je les ai trouvées étonnamment passives et elles se sont fait punir par les Coréennes qui ont pas raté l'occasion. Bah clairement, le niveau de jeu de Baek Li, cette semaine, parce qu'on parle de cette finale, mais dans l'agressivité et puis tout, c'est quand même la justesse, les choix offensifs, jamais rendre l'attaque, c'est quand même une grosse dinguerie et je regardais un peu les stats, mais c'est vrai que bah, on n'a toujours pas de super 1000 cette année pour Chen Jia. Quand il y en a deux Ah, pour c'est Baek étonnant. Li, il y en a deux surtout pour Baek Li, les deux tournois les plus mythiques du circuit, All England et Indonesia Open, elles sont double tenantes du titre à l'Indonesia Open. Et en fait, je sais pas, j'avais pas ce truc en tête, mais elles ont fait finale au Finals, finale au China Open, elles sont double tenantes du titre de l'Indonesia Open, elles ont été finalistes du All England 2023 et elles gagnent le All England 2024. C'est assez ouf cette régularité dans les plus gros tournois du circuit, je trouve. Je l'avais pas en tête avant de regarder en préparant l'épisode et je sais pas si t'es surpris comme moi ou si t'avais ça en tête. Benoît, est-ce que y a pas un truc, est-ce qu'elles choisissent pas un peu leur match aussi? Parce que tu vois, la semaine Bah dernière, elles ouais. perdent au deuxième tour contre Jolie Pouléla. Et tu vois, ce que tu me dis, c'est ouais, ok, elles ont chopé 2000 cette année, etc. Mais je trouve que en termes de nombre de victoires, Baek Li, elles font pas une saison qui est si folle, tu vois. Genre, mais effectivement, j'avais pas non plus en tête ce que tu dis sur les gros matchs. Et quand je vois qu'elles. Elle perd parfois sur des tournois mineurs. Je me suis fait la même réflexion. Bon, elle a pas gagné cette semaine, mais un peu la même réflexion sur Carolina Marin aussi. Tu vois, je me dis, je pense que des fois, il y a clairement une motivation qui est différente quand on joue sur un 1000 et quand on joue sur autre chose, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison, sans parler de choisir ses matchs, peut-être qu'une motivation différente, c'est vrai. Maintenant, Baekli, je me souviens les avoir ouvertement critiqués aux mondiaux, aux derniers mondiaux. Il va falloir choisir aussi les grandes compétitions et pas juste les grands tournois du circuit, mais je suis quand même d'accord avec toi, c'est pas anodin de gagner deux fois d'affilée l'Indonesia Open. Chenji l'ont jamais fait, par exemple, donc c'est quand même... Enfin, on rentre dans des sphères où on parle de 2-3 paires au monde dans l'histoire du tournoi qui l'ont réussi, quoi. Ouais, non, c'est clair. Franchement, et puis tu l'as dit, cette semaine, semaine assez incroyable, elles ont battu Krastoponapa en 3-7, leur compatriote Kim Kong en 3-7. Elles mettent 11 et 14 à Liutan, tête de série 3 en demi-finale. Ça, c'est aussi très impressionnant. Et ouais, contre Chen Jia, il n'y avait qu'une seule paire sur le terrain. Et Benoît, on va pas retirer tout ce qu'on a dit... sur Chen Jia, parce que c'est, je pense, évidemment pour moi la meilleure paire du monde. Mais quand tu vois ça, ce qui se passe cette semaine, et quand tu vois ce qui s'est passé à Tokyo il y a 3 ans, tu te dis que attention, la médaille d'or, elle n'est pas encore autour du cou. Et ce qui leur est arrivé, ce que moi je pense être une anomalie, leur défaite en finale des Jeux il y a 3 ans, ça peut encore arriver, parce que je pense que des fois, je pense que c'est mental, elles rentrent pas vraiment sur le terrain, ou en tout cas elles sont trop passives et elles laissent trop jouer, alors que elles sont plus fortes que toutes leurs adversaires, je trouve. Ouais, je te rejoins totalement. Attention à ce que ça arrive pas le mauvais jour, comme c'est arrivé il y a maintenant 3 ans. Bah, c'est clair, parce que ce serait quand même dingue. Bon, on n'y est pas, hein, mais ce serait dingue que elles aient pas de médaille d'or olympique, alors que elles dominent quand même le circuit. Mais tu l'as dit, c'est notable. 3 Super 1000 cette saison pour l'instant, et elles n'en ont gagné aucun. Donc c'est franchement, je sais pas si c'est inquiétant, mais je pense que ça doit poser un peu question. Benoît, tiens, avant de retourner sur les têtes de série, on va parler de la paire française. On avait été un peu frustrés la semaine dernière de voir Margot et Anne abandonner alors qu'elles devaient jouer Chen Jia. Cette fois, elles les ont rejouées, mais d'abord, elles ont gagné un tour contre d'autres chinoises au premier tour, Li Liu, qu'elles ont battu 21-19, 21-18 pour donc les Françaises. Et Benoît, franchement, super victoire contre les 17e mondiales, donc ils sont une place derrière, juste une place derrière elles. Et franchement, le genre de vrai gros match qu'on attendait de leur part, mais aussi qu'elles ne faisaient pas il y a encore un an. On parlait beaucoup d'occasions ratées, etc. Là, je sais pas si je vais pas faire de la psychologie à deux balles, je sais pas si leur titre de championne d'Europe a débloqué un truc, mais on a l'impression qu'elles continuent de progresser, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Moi, encore une fois, pour moi, elle est assez proche de celle contre Fogarty Gessen, finalement. Si je devais en faire une analyse, tu vois, c'est des matchs qui sont contre des paires entre 13 et 20, tu vois, qui sont de leur niveau maintenant, actuel. Pour moi, elles ont ce niveau-là aujourd'hui. Et c'est des gros matchs pour elles, parce que il y a beaucoup d'enjeux, il y a des gros points, oui, mais il y a surtout l'enjeu de justifier ta 16e place mondiale. C'est pas rien, 16e mondiale. J'ai pas vérifié, mais c'est probable, vu les résultats, notamment des Indonésiennes devant elles, que le top 15 mondial soit plus très loin mardi, là, au moment où on tourne demain, quand tu auras les mises à jour des rankings. Mais ouais, pour moi, c'est des matchs très importants, et surtout la qualité de jeu produite cette semaine, mais aussi la solidité la semaine dernière face à Fogarty Gessen. En vrai, ouais, pour moi, j'y croyais moyennement, mais elles sont en train de s'installer très clairement dans un gros top 15 mondial. Ouais, non, moi non plus, c'est vrai que pour moi, elle est encore beaucoup plus importante que la victoire de la semaine dernière, parce que Fogarty Gessen, c'est pas une paire qui est dans une passe, qui est pas dans la forme de sa vie. Et aussi, je sais pas, Li Liu, c'est pas la meilleure paire chinoise, mais contre j'ai l'impression que Lambertran ou les paires européennes, contre les paires asiatiques et surtout contre les paires chinoises, il y a souvent un petit complexe d'infériorité, tu vois. Et là, pas du tout de la part de Margot et Anne, et j'ai adoré aussi la solidité dans les moments importants, hein, ce qui a pu leur faire défaut par le passé. Et Benoît, défaite contre Chen Jia pour Lambertran, mais pas ridicule du tout, nos Françaises, défaite 21-17, 21-19, là la marche, malgré tout ce qu'on a dit sur Chen Jia en finale, hein, évidemment, mais la marche était encore beaucoup plus haute pour les Françaises, mais elles ont encore montré un très beau visage. Oui, carrément. Quand on dit, elles font un deuxième tour, un huitième de finale, c'est pas si mal. Elles perdent quand même contre les numéro 1 mondial. Bon, après tout ce qu'on a dit, vous allez dire oui, mais elles n'étaient pas à leur niveau cette semaine. Tu fais un match ultra solide contre les numéro 1 mondial et très honnêtement, il manque pas grand chose pour accrocher un troisième set. Moi, franchement, je les voyais comme une paire du 20e mondial, tu vois, mais j'imaginais pas autant et surtout la progression, elle est folle. Et là, je trouve qu'elle stagne pas comme on aurait pu peut-être le craindre. Ouais, c'est clair. Après, attention, je pense qu'il y a aussi. Je trouve qu'en ce moment, à part quelques paires de double dames, il y en a beaucoup qui sont imprévisibles et dont le niveau varie énormément. Donc, bien sûr. Est-ce qu'elles ont un niveau top 15 ou est-ce qu'elles ont un niveau top 20? Moi, je pense que ça va dépendre des semaines, tu vois. Parce que tu vois, j'y pense, je vois Tantina là, par exemple. On peut en parler. La semaine dernière, elles ont été nulles. Elles se sont fait éclater. Et là, elles font un très bon tournoi où elles sortent Song Yu, les Taïwanaises, mais surtout Rayu Ramadanti, tête de série 8 en 2-7. Et derrière, elles perdent 22-20, 21-18 contre Chen Jia, où elles sont également ultra solides. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est dur de tirer des conclusions, effectivement, sur la progression des Françaises. Alors, il y a une progression factuelle, c'est-à-dire leur ranking, mais leur niveau, voilà. Est-ce que c'est top 15, est-ce que c'est top 20? J'attendrai un peu avant de me prononcer. Matsuyama Shida, elle, pareil, différente de la semaine dernière, mais dans l'autre sens. Elle avait été très bonne la semaine dernière. Là, elle perd de deuxième tour contre Li Luo. Et c'est leur compatriote Matsumoto Nagara qui en ont profité en faisant une semaine compliquée où elles ont galéré à battre Fine Ipsen Suro, les Danoises, puis Jolly Pulela, les Indiennes, puis Li Luo, les Chinoises, avant de perdre en 3-7 contre Chen Jia. Mais quand même, je pense, belle demi-finale pour elle. Et en bas du tableau, voilà, pas mal de paires chinoises. Liu Tan et Zhang Zheng qui se rencontrent en quart. Et de l'autre côté, des Coréennes avec Kim Kong contre Baek Li. Voilà, Benoît, est-ce que tu... J'ai cité pas mal de têtes de série, là. Est-ce que tu veux revenir sur un cas ou plusieurs? Non, pas spécialement sur un cas, mais c'est juste pour souligner ce que tu disais aussi. Pour moi, il y a vraiment... quasiment 13 paires vraiment qui constituent le top mondial et derrière ça fluctue un peu. Aujourd'hui on a du Jeong Kim, je crois qu'elles sont loin au ranking maintenant, mais parce qu'on les voit plus alignées aussi. Tu vois, c'est vrai que tu as raison aussi sur le fait que c'est quand même des paires qui sont un peu au-dessus de Margot et Anne et donc il faut rester mesuré, mais en fait c'est l'imprévisibilité de ce tableau, en tout cas hors top 5, parce que du Chen Jia, c'est Liu Tan, Baek Li, tu vois, on les retrouve toujours quasiment dans les derniers carrés, mais c'est vrai qu'on peut retrouver des paires en quart de finale un peu surprise. Bon, c'était clairement pas le cas cette semaine, mais ou quasiment pas à part Tantina, mais c'est vrai qu'on a des paires qui sont capables comme ça de perfer sur une semaine et puis on les voit plus pendant 3 mois. C'est clair, et du coup on espère que les Françaises vont arriver à garder le niveau qu'elles avaient cette semaine, ouais. Et que quand elles auront un tirage un peu plus favorable, c'est-à-dire quand tu prendras pas les numéros 1 mondiales dès le deuxième tour, eh ben elles arriveront, pourquoi pas, à faire un quart, tu vois. Ce serait cool de les voir en quart sur ce genre de tournoi. Allez, troisième tableau, le simple dames. Aimez-vous le badminton? Ah non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Et là encore, surprise, puisque la tête de série 2 bat la tête de série 1. En double dame, c'était les Coréennes qui avaient battu les Chinoises. Là, c'est la Chinoise qui bat la Coréenne, Chen Yufei, qui bat Han Se-young, 21-14, 14-21, 21-18. Benoît, score serré, puisqu'on a dû attendre la fin du troisième. Je crois que ça fait 18-18. Et Chen Yufei marque 3 points d'affilée de mémoire. Mais là aussi, je trouve que c'est très logique, parce que on a vu une Han Se-young un peu en dessous de ce qu'elle sait faire, et pour le coup, une Chen Yufei qui fait ce qu'elle sait faire, mais que j'ai trouvé même plus agressive que d'habitude, et je pense qu'elle a bien fait, parce que ça a porté ses fruits. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Une Chen Yufei assez impressionnante physiquement, pour une joueuse surtout qui a enchaîné, en fait, parce que c'est quoi, c'est finale à Singapour. C'est que 2 semaines de compétition, mais on a vu pour d'autres que c'était plus compliqué. Non, impressionnante physiquement, vraiment. Je m'attendais personnellement pas du tout à ce résultat-là. Je pensais que Han Se-young nous ferait la même que la semaine dernière à Singapour. Et Chen Yufei est restée d'une lucidité assez affolante dans les moments importants. Ouais, j'ai été. Ouais, vraiment, ce troisième set vraiment m'a laissé clairement sur le cul parce que je pensais vraiment pas que. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais qu'elle serait aussi solide. Non, c'est clair. Les deux joueuses ont joué le même nombre de matchs puisqu'elles étaient, tu l'as dit, elles ouais. se sont affrontées la semaine dernière à Singapour. Donc elles arrivaient avec plus ou moins le même état de fraîcheur. Mais j'ai trouvé Han Se-young a beaucoup plus accusé le coup. Je l'ai trouvée un peu lourde sur le terrain, alors que Chen Yufei, elle était impressionnante. Elle avait de l'avance sur tous les volants. Elle a mis des attaques longues de ligne qui ont mis Han Se-young au supplice. Et à la fin, quand ça s'est joué purement au physique, Han Se-young, je trouve, a manqué de lucidité parce qu'elle était fatiguée sur quelques points. Et la chinoise en a clairement profité. Donc ouais, je trouve que cette victoire est assez logique. Elle conserve le titre qu'elle avait gagné la semaine dernière, Chen Yufei. Et c'est son premier titre de l'année. Et ça, c'est quand même assez fou, Benoît, que Chen Yufei avait encore rien gagné. Elle avait fait pas mal de finales. Et ouais, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Je pensais pas que ce match, et surtout ce troisième set, irait dans ce sens. Surtout, elle garde son titre en Indonésie et à... Allez, un mois et demi des jeux, deux mois des jeux maintenant, un mois et demi. Elle envoie un signal fort aussi sur... n'oubliez pas que la championne olympique en titre, c'est moi. Et oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est pas la joueuse dont on parle le plus, mais évidemment qu'il va falloir, compter sur elle. Trois premiers tours assez faciles pour Chen Yufei où elle a massacré tout le monde. Et victoire contre une autre joueuse qui avait massacré tout le monde pourtant en ce début de semaine, Carolina Marin. 21-11, 17-21, 21-13. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot sur ce match où c'est toujours des matchs très serrés entre ces deux joueuses, mais là encore, je trouve que le fait que Chen Yufei gagne, c'est tout à fait logique et elle lâche un set, mais elle aurait limite pu aller le chercher en deux. Il a manqué un peu de, un peu de physique à Carolina Marin pour faire mieux que ça encore, mais même problème qu'Han Se-young. Chen Yufei était à un tel niveau cette semaine que c'était dur. Mais quand même, je sais pas ce que t'en penses, et moi le premier, je fais pas mon mea culpa, mais ça fait des mois que j'y crois pas et que je le dis ouvertement, je ne pensais pas sincèrement que Carolina Marin serait top 3 mondial et surtout rejouerait à un niveau de top 3 mondial sur les grands tournois, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais moi perso j'y croyais moyen et aujourd'hui faut quand même le reconnaître, aujourd'hui elle est top 3 mondial, on peut parler de top 4 si on veut, mais elle y est installée dedans et c'est assez fou, je trouvais assez inimaginable encore il y a quelques mois. Ouais, pour être honnête avec toi, Benoît, moi je pensais qu'elle allait gagner cette semaine. Parce que tu vois, l'enchaînement m'a fait penser au IFB All England. Tu vois, je me suis dit, elle a pas été bonne la semaine dernière, elle s'est fait sortir rapidement. Et là, du coup, elle va arriver plus en forme que les autres, notamment que Han Se-young et Chen Yufei qui ont fait finale la semaine dernière. Tu vois, et quand je l'ai vu mettre 8 et 6 à Anhui, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle a ouvert finalement, son jeu, ça passe pas. Ah ouais, non, c'est dingue de voir ce genre de score en quart de finale entre deux têtes de série du simple dame. Enfin, c'est assez. Pendant ce temps-là, Chen Yufei mettait 15 et 7, donc elle n'a pas non plus passé beaucoup de temps. Donc, assez déçu de la perf de Marin contre Chen Yufei parce que je pensais que physiquement elle aurait plus de ressources que ça. Mais je suis d'accord avec toi, quand tu vois où elle était il y a quelques mois, franchement, on avait du mal à la revoir dans le top 5. Là, elle est même top 3. Donc. Bon, il faut le dire, elle profite aussi des blessures à répétition de Yamaguchi, Tai Tsuying, pareil. Mais malgré tout, je suis d'accord avec toi que c'est assez inespéré. Après, moi, j'adore cette joueuse, mais il y a quand même une force de caractère pour revenir à un tel niveau quand tu t'es fait deux fois les ligaments croisés qui est assez impressionnant. Impressionnante. De l'autre côté du tableau, donc c'est Han Se-young qui avait un peu galéré pour battre la petite pépite Tomoka Miyazaki au premier tour, qui lui a pris un set derrière, elle a déroulé. Puis après, elle a pas connu trop de difficultés, notamment pour battre les Chinoises et Bing Jiao et Wang Zi, respectivement en quart et en demi. Pour le reste, Pour le reste du tableau, bah Benoît, je pense que on a fait le tour des têtes de série. Hein. Toujours pas de Tight Swing, toujours pas de Yamaguchi, qui les deux ne rejoueront plus, je pense, plus en tournoi, ouais. Jusqu'au jeu. Et Benoît, on peut peut-être s'y arrêter rapidement, parce que ce sera quand même deux grandes inconnues. Surtout Yamaguchi, j'ai envie de dire, parce que Tight Swing, ça a l'air d'être des blessures un peu mineures. Je pense qu'elle se ménage, et on l'a vu notamment aux IFB, elle avait un super niveau. Par contre, Yamaguchi, on voit que dès qu'elle n'est pas à 100% physiquement, elle a du mal, et je pense que ouais, ce sera un gros, gros, gros point d'interrogation à Paris. Ouais, bah, clairement, tu as évoqué les deux cas, c'est deux cas très différents. Anseyong, pas du tout. Tight Swing, on l'a vu à Paris, on l'a vu même depuis 6-8 mois maintenant, à revenir à un niveau très intéressant. Et aujourd'hui, là où Anseyong... mais je vais pas y arriver. Là où Tight Swing torpillait le circuit avant les grandes compétitions il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans, aujourd'hui elle a plus besoin de ça, elle a plus rien à prouver, et je pense comme toi qu'elle arrivera dans les meilleures conditions au jeu. La différence avec Yamaguchi, elle est nette et évidente pour moi, c'est exactement ce que tu as dit, et elle est inscrite en Australie cette semaine, donc je sais pas si elle y sera. J'y crois moins. Non, elle n'y sera pas. Elle est plus dans le tableau. Ah ben ok. Elle est plus. Ben voilà. J'ai pas revu les tirages des tableaux, mais tu fais bien de le confirmer. Effectivement, elle va arriver avec une inconnue sur sa capacité physique à tenir une semaine, son réel niveau par rapport au top 4 mondial. Ouais. Pour moi, deux cas différents, et je suis assez inquiet pour Yamaguchi, honnêtement. Ouais, moi aussi. C'est vrai que. Elle n'a pas eu toujours beaucoup de chance sur le placement des grosses compétitions et la forme dans laquelle elle arrive. Et c'est dommage parce qu'elle était tellement forte sur les 2-3 dernières années. Et là, ces derniers temps, ouais, c'est compliqué depuis quelques mois, hein, puisque même à Paris, on l'a vu très forte aussi. Mais là, ouais, ça devient vraiment compliqué. Et ouais, encore une fois, si on insiste beaucoup aussi, c'est que c'est une joueuse qui mise tellement sur son endurance physique que dès qu'on lui enlève ça, c'est encore plus pénalisant que pour d'autres. Et Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le simple dame ? Non, écoute. Eh bien, on va donc foncer vers notre quatrième tableau du jour, le simple homme. Look at this, look at that. Le simple homme avec la victoire de l'homme du moment, le nouveau numéro 1 mondial, qui était encore numéro 2 cette semaine, mais voilà, maintenant il passe bien numéro 1. Shiyushi, le chinois qui bat Anderson Tonsen, tête de série 4, 21-9, 12-21, 21-14. Benoît, comment tu juges ce match ? Alors, au score, on pourrait croire que c'était un match pourri. Il y a eu, je trouve, quelques bonnes choses quand même de temps en temps, même si on aurait pu espérer mieux, mais oui. je trouve qu'on a vu surtout un troisième set un peu plus serré que ce que le score le laisse entendre. Oui, en tout cas, des points accrochés et disputés plus que ce petit 21-14. Maintenant, il y a un réel problème actuellement en simple homme, et il commence à durer depuis un moment un peu trop grand, c'est qu'il y a un gars qui est trop fort. Et on ne parle pas de Victor Axelsen. Ce gars-là, il est devenu numéro 1 mondial en... franchement, en quoi ? En 8 mois ? Et c'est un vrai problème pour le simple homme aujourd'hui, vraiment. Hein. Je pensais pas qu'il reviendrait à un tel niveau quand il est revenu. Mais aujourd'hui, même quand tu fais un très bon match, comme l'a fait Antonsen, ou en tout cas un très bon troisième set, parce qu'il n'a pas été bon tout le temps, Anderson Antonsen, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et non. Et en vrai, c'est complètement fou, parce que je me souviens, Benoît, tu te souviens, quand il est revenu, au début, on n'y croyait pas, puis après, on a vu quelques matchs, on s'est dit, est-ce que ce serait pas lui qui pourrait faire un bon numéro 2 et aller titiller Victor ? Et ben, il a fait même beaucoup mieux que ça, Shiyushi, parce que là, effectivement, Benoît, je parlais des jeux qui n'arrivent pas au bon moment pour Yamaguchi, pour Shiyushi, le mec doit bénir les dieux que les jeux arrivent, parce qu'il ne peut pas arriver dans de meilleures conditions à Paris. Franchement, le mec, ouais. Shiyushi, je pense que toi et moi, depuis qu'on... il a à peu près le même âge que nous, donc depuis qu'on suit le BAD, je pense que c'est un des mecs dont on a dû voir le plus de matchs. Donc c'est un joueur qu'on connaît très bien, et j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vu jouer aussi bien, alors que j'ai déjà vu faire des très très bons matchs. Ah oui, non, mais pour moi, il y a zéro débat. C'est très clairement, on est en train de vivre le prime de Shiyushi. Il y avait eu cette finale mondiale en 2018, je crois. Mais c'était loin, honnêtement, de ce qu'on vit là. Shiushi, cette année, il prend 3750, 1000, là où Victor Axelsen, lui, il a 1500. Enfin, faut quand même se rendre compte du délire. Je pense que la Chine va le mettre tranquillement au frigo jusqu'au Mondiaux, là, jusqu'au JO, en petite vacances. Shiushi, mais il arrive dans des dispositions de roi. Et on en reparlera au moment de la preview, mais en fait, t'as tout dit. C'est le mec qui arrive dans les meilleures conditions pour les jeux et il se les est créés aussi. Ouais, même tout tableau confondu, hein. Tout tableau confondu, je pense que c'est celui qui est le plus impressionnant en ce moment parce que, et c'est celui en tout cas qui a le plus de certitude, surtout vis-à-vis de la concurrence en fait. Personne, tout le monde est plus ou moins en galère, surtout Axelsen évidemment, mais lui arrive avec le plein de confiance, enfin franchement ouais. Donc, on a parlé du match. Sur sa semaine, il a commencé par battre deux compatriotes, Lei Langqi et Lu Guangzu. Ensuite, il bat Thomas Junior Popov, on va y revenir après. Li Shifeng, encore un compatriote dans le remake de la finale de la semaine dernière. Cette fois, c'était une demi. Même genre de scénario hein, où Li Shifeng a longtemps cru. Il a pris le premier set, le deuxième a été très très serré, il le perd 21-19. Cette fois, il a craqué plus vite, puisqu'il perd le troisième 21-14. Donc voilà pour Shiyoshi, et ben maintenant voilà, c'est une petite habitude, à chaque fois qu'il joue on est obligé de mettre sa chanson en générique de fin parce qu'il gagne à chaque fois. Mais Benoît, malgré cette défaite en finale, alors je vais pas dire que ça vaut un titre pour Anton Sen, mais ça reste une très très bonne semaine pour lui, hein. Il a passé trois premiers tours sans perdre de set avec un gros gros match contre Lakshya Sen. Ensuite il perd contre celui dont on va parler juste après, c'est-à-dire Vititsarn, il gagne contre Vititsarn alors que toi et moi on en a parlé juste avant, on le voyait pas gagner parce que le Thaïlandais arrivait bien bien fort, mais il a tenu la distance, surtout Anton Sen, 21-15, 19-21, 21-11. Et voilà, on a parlé de cette défaite en finale, mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est une très bonne semaine pour Anton Sen, qui, peut-être, on parlait de certitude, est un des mecs, à part Shiushi, qui en a le plus, même si, deux titres cette année et cette finale. Ouais, c'est exactement ça. Et de même que c'est une bonne semaine pour Vititsarn que t'as cité, qui, à mon avis, a retrouvé des repères très clairs cette semaine, vu son niveau de jeu affiché. Mais ouais, en fait, il y a peu de mecs qui arrivent avec des certitudes à Paris dans ce tableau. Je pense que Shiushi et Anton Sen sont peut-être les deux qui arrivent avec le plus. Désolé, n'en déplaise aux fans de Victor Axelsen, mais je doute pas qu'Axelsen arrivera dans des dispositions de fou furieux à Paris, mais aujourd'hui, des certitudes, il en a peu. Naraoka, il en a. Questions, Axelsen, ben ouais. Je pense. Hein. Naraoka, il en a peu. Vititsarn, à part cette semaine, si on juge à l'instant T, il y en a peu sur les derniers mois, depuis son titre mondial. Lidija s'est rassuré aussi, mais enfin, il va y avoir une course à la médaille, on en reparlera encore une fois dans la preview, et je pense que on aura des avis assez intéressants, je sais pas, mais divergents, c'est sûr, parce qu'il y a une telle course à la médaille dans ce tableau qui va être passionnante, mais aujourd'hui ouais, c'est dur, ça va être dur de se prononcer très clairement. Ouais, j'ai rien à rajouter sur Vititsarn, mais c'est vrai qu'il a fait une très bonne semaine, il bat Lokinyu, Radiawat et surtout Lizidja, où il lui met 16 et 17, et je sais que toi et moi, Benoît, on regardait ce match en direct, et il nous a vraiment impressionnés, parce que Lizidja fait franchement un bon match, hein. Il a tout tenté, mais il est tombé face au Vititsarn, qui laisse plus rien passer, qui défend comme un mort de faim, et qui est parfait, tactiquement, donc Lizidja s'est cassé les dents sur Vititsarn, et je pense que voilà, il a un peu craqué physiquement en demi contre Anton Sen, mais en tout cas ouais, Vititsarn il revient potentiellement au bon moment, à voir si il va garder cette forme là à Paris. Lizidja pareil, ces derniers temps c'était mieux, mais c'est des mecs où surtout Lizidja, tu sens qu'il faut pas grand chose pour perdre au premier tour d'un tournoi, où des certitudes il en a pas énormément. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de Leong Junhao, qui lui est un des hommes du moment? En tout cas, il a été bon la semaine dernière, il est à nouveau bon là, puisqu'il bat deux tauliers, hein, Jonathan Christie au premier tour, 21-12 au troisième, puis Shu Chenchen, 21-17 au troisième. Alors derrière, il perd contre Li Shifeng, mais je te lance là-dessus parce que je sais que beaucoup de personnes sur le Discord attendent qu'on parle de lui, parce que certains y voient, et moi j'ai pas vu assez de matchs pour me faire un avis, mais un futur grand chez le Malaisien. Ouais, c'est intéressant. Je lisais ça sur le Discord aussi cette semaine. Alors, c'est aussi ça qui est génial avec ce Discord qu'on vous invite à rejoindre si vous n'y êtes pas dessus. C'est qu'il y a des gens qui regardent plus de matchs que nous, ou en tout cas des matchs qu'on peut pas voir. Et du coup, on a des avis différents ou qui se complètent ou qui méritent débat. Et c'est ça qui est cool. Mais Leong Junao, c'est vrai que c'est un mec. En tout cas, Ewan et moi, on l'a vu jouer quelques fois, mais pas non plus une quantité de matchs assez pour se faire un avis sur est-ce que ce gars-là, c'est un futur top 10 mondial. Et c'est vrai qu'il y avait des avis qui disaient bah, Leong Junao, oui, aujourd'hui, c'est peut-être pas un top 15 mondial, mais attention à la lutte pour Los Angeles 2028 parce que ce gars-là, vraiment, il a les armes. Alors, si on juge sur sa semaine et la qualité de jeu produite contre Jonathan Christie au premier tour, Xu Tianchen au deuxième, moins contre Li Shifeng, mais aussi parce que tu as eu une semaine dure, on peut juger que oui. Maintenant, je voudrais un peu plus qu'une seule semaine, même si c'est une superbe semaine, tout simplement parce qu'il y a des mecs comme Ngo Tse-Yong dans leur pays, qui, à mon avis, est aujourd'hui bien au-dessus de Leong Junao. Et il a un jeu quand même très offensif. Pour moi, ça peut être aussi des... Tu vois, des feux qui s'éteignent très vite. J'ai plus l'expression, mais t'as compris l'idée. Ouais, feu de paille. Feu de paille, ouais, exactement, merci. Oui. Je voudrais attendre un peu plus. J'ai compris l'idée, ouais. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il a 24 ans et que tous les joueurs ne percent pas au même âge aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on attend aussi toujours... quand des mecs ont plus de 20 ans, on se dit non, mais maintenant c'est mort. Mais surtout, dans certains pays, par exemple, moi en Chine, mais dans d'autres pays où on laisse plus de temps aux joueurs, c'est aussi important de voir ça. Effectivement, on va avoir un œil sur ce qu'il fait prochainement parce que ça va être intéressant. Est-ce que tu veux dire un mot de Naraoka, Benoît, avant qu'on passe aux Français, défaite 12 et 10 contre Gamekeu au premier tour? Oh là là. Lui, j'ai envie de dire un peu pareil que. Un peu pareil que Yamaguchi, ça peut être des styles de jeu relativement comparables. Et dès que tu sens que physiquement, il n'est pas à 100%, voire plus, tout est tout de suite plus compliqué. Et en plus là, je ne sais pas s'il avait vraiment envie. Ouais, il y a cette dernière phrase aussi. je ne sais pas. En plus, il sera en Chine, lui. Il sera en Chine, pas du tout. Il sera en Australie, décidément, aujourd'hui... Il sera en Australie, si je dis pas de bêtises, et lui est dans le tableau de mémoire. Donc, surprenant ouais. Même, ce premier même tour. Même au Canada et États-Unis, ouais, je crois. Ouais. Il veut beaucoup jouer encore. Il va beaucoup jouer. Je pense qu'il a besoin de repères et qu'en Indonésie, là, il y est allé un peu en dilettante, si tu me permets l'expression, parce que même un Naraoka à 80% physiquement, tu prends pas 12 et 10 contre un très bon Gamekeu, il faut le reconnaître sur ce match, qui a littéralement tout fait mieux que lui. Mais ça suffit pas pour justifier le score, je trouve. Non, je suis assez d'accord. Les Français, à savoir les frères Popov, Christo a battu Julien Caraghi. Mmh. Maintenant, on peut le dire qu'on va bientôt recevoir Julien Caraghi. 21-16, 21-10 avant de prendre 11 et 13 contre Li Shifeng. Benoît, il a gagné un match quand même, Christo, mais ça reste compliqué en ce moment. Ça reste compliqué honnêtement depuis la fin de la qualif. Même constat pour Julien Caraghi, on le recevra donc on aura l'occasion d'en parler avec lui très vite, mais la tournée asiatique c'est 4 premiers tours, 4 défaites et c'est clairement pas au niveau de ce qu'il nous avait montré sur la qualif olympique et notamment le début de 2024. C'était deux mecs un peu dans le dur. Christo a gagné un match, mais honnêtement je sais pas, je suis curieux d'avoir ton avis, mais pour moi, c'était un tirage presque favorable avec deux mecs avec un besoin de confiance. Mais Christo, il aurait pas battu beaucoup d'autres joueurs avec ce niveau-là dans le tableau. Alors, je suis d'accord avec toi. En revanche, mieux ouais. pour son frère, Thomas Junior Popov. Victoire contre Wang Tsui, match complètement fou, 21-15, 12-21, 29-27. Vous l'imaginez avec un tel score, un troisième set sous tension où les deux joueurs ont eu leurs occasions. Mais Benoît, et là, tout chauvinisme mis à part, on sait que ce genre de match, forcément avec ce score, ça se joue à pas grand-chose. Je trouve ça globalement mérité sa victoire parce que notamment dans le troisième, c'est quand même lui qui faisait le jeu, je trouve. Et Wang Tsui, c'est aussi son style, mais il a quand même été beaucoup plus passif en attendant les erreurs du français. Et voilà, je trouve que Thomas Junior Popov, lui, il est allé la chercher, sa victoire. Ouais, clairement, moi j'étais frustré que Tommy aille pas la chercher plus tôt parce que j'ai eu peur, très peur de ce scénario où il finissait par la lâcher. Bah ouais. Et il faisait un peu tout, j'ai envie de te dire, par moment, même s'il a été globalement propre, c'est lui qui a aussi fait des fautes. Et Wang Sui, comme tu l'as dit, c'est son jeu aussi, mais il était relativement passif. Et c'est ça qui était d'autant plus frustrant, d'autant plus frustrant pour Tommy. Et je suis très très content qu'il soit allé la chercher parce que lui, pour le coup, a un tout petit peu marqué le pas après la qualif olympique. Mais contrairement à ce que je pensais, c'est lui aujourd'hui qui affiche le meilleur niveau dans la fratrie. C'est clair. Derrière, match décousu contre Gamekeu, victoire 21-18, 8-21, 21-12. Moi, pour être honnête, Benoît, j'ai pas vu ce match. Est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, bien sûr. Encore une fois, troisième set ultra solide. Et surtout, je craignais parce que Gamekeu, c'est le genre de profil qui m'inquiète toujours contre Tommy. Et ouais, impressionné par le niveau de Tommy et la capacité à reproduire les efforts. Parce qu'on a parlé du 29-27 la veille, c'est une salle où c'est dur de jouer, tu perds énormément d'eau, tu donnes beaucoup. Et ouais, j'étais inquiet là-dessus aussi. Non, franchement, le niveau de Tommy sur cette semaine et surtout la capacité à enchaîner les efforts, assez impressionnante. Et défaite contre Xiuxi en quart de finale. Pourtant, notre Français avait pris le premier set 21-17. Il perd le deuxième 21-10 et le troisième 21-18. Benoît, est-ce qu'on n'emprunterait pas au rugby le fameux terme de défaite encourageante? J'aime pas trop, mais en tout cas, je le voyais pas gagner, même après avoir pris le premier, je voyais pas Tommy arriver à aller chercher ce match. Et pourtant, dans le troisième, il m'a surpris, parce qu'il y a pas mal de fois où je me suis dit, là il va lâcher, là il va pas tenir, etc. Et il a franchement jamais lâché contre un Xiuxi qui est, on l'a dit, son niveau il est incroyable, il va absolument tout chercher et un profil qui est difficile à jouer, je pense, pour Tommy. Mais voilà, malgré la défaite, il y a quand même beaucoup de positifs à retenir, je trouve. Ouais, je partage totalement. On a regardé le match tous les deux en même temps et je me souviens qu'on s'est dit, il a été très grand et la vérité c'est qu'il a failli être immense. Dans ce troisième set, je pense qu'on y a cru tous les deux. Je pense que lui aussi y a cru et qu'il a pas manqué grand chose. Bon, encore une fois, le constat de Xiuxi, on va pas vous le refaire. Il est juste trop fort. Mais vraiment, le match de Tommy, c'est peut-être le mec qui a mis le plus en danger Xiuxi cette semaine. Et je pensais très sincèrement pas, je sais pas ce que t'en penses toi, mais qui serait capable de mettre un tel joueur en danger. Pareil, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que pour moi, il a tout bien fait, et je pense que contre quasiment tous les autres joueurs du tableau, il gagnait le match. C'est sûr. Le problème, c'est qu'en face, il y a un Xiuxi qui rate absolument rien. Mais ouais, et encore, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois dans ce podcast, Benoît aussi, et ce qui est cool aussi avec la nouvelle génération de ces joueurs français sans taper sur l'ancienne, mais il a joué sans complexe aussi, Benoît. On a senti que lui-même, il y a cru, et c'est ça que j'ai bien aimé. Alors que quand ça doit être dur mentalement de rester dans le match face à un mec qui joue un badminton d'un tel niveau. Et franchement, il m'a impressionné, Thomas Junior Popov. Donc c'est un quart de finale sur un mille, et ça c'est notable. Mais même surtout dans le contenu, très très bonne semaine pour lui. Et a priori, lui ne rejouera pas avant les Jeux, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est un quart de finale, mais pour moi, il n'y avait pas mieux pour se mettre en confiance. Il va arriver dans des bonnes dispositions, et ça fait plaisir. Voilà, Benoît, est-ce que sur le simple homme, tu veux rajouter quelque chose? Bah, juste un mec qui marque le pas peut-être, mais après je te laisse enchaîner. HSP. Notre Pranoy national indien qui est dans le dur. Défaite au premier tour contre Adjawat et globalement un peu plus en retrait, même avant la fin de la qualif olympique. Beaucoup plus dur pour lui en ce moment. C'est clair. Est-ce que, j'en sais rien, est-ce qu'il s'est pas un peu relâché quand il a sécurisé sa place? Je sais pas, je me demande peut-être. Un petit peu. Allez, on va passer au double homme. Dieu dit. Adam. Alors, double homme final inattendu, finaliste inattendu surtout, puisque c'est Man Ti, les Coréens, on va en reparler, qui ont fait finale contre Liang Wang, tête de série 2, les Chinois. Les têtes de série 1, en l'occurrence, Rankin et Digetti, n'étaient pas présents. Donc voilà, la plus grosse tête de série qui l'emporte. Pourtant, Dieu sait que ça a été compliqué pour les Chinois qui ont perdu le premier set, 21-19, et qui derrière gagnent 21-16, 21-12. Benoît, c'était un match sympa, et pendant une grosse partie, les Chinois ont beau prendre le deuxième 21-16, pendant longtemps, ça sentait vraiment pas bon, et pendant longtemps, moi, devant mon ordi, je me suis dit, mais ils vont vraiment le faire, c'est fou, les Malaisiens, qui sont classés, j'ai pas leur classement en tête, je regarde pendant que je vous dis, les mecs, ils sont 20e mondiaux, je me suis dit, ils vont vraiment aller chercher un 1000 comme ça, et finalement, les Chinois ont remis les pendules à l'heure, mais je pense qu'eux aussi ont dû se faire une petite frayeur, hein, Benoît. Ouais, carrément, parce que dans le milieu du deuxième, on est proche de la catastrophe pour Liang Wang, qui on va revenir dessus, mais montré que c'était eux, clairement, les boss de cette finale, et que c'était le titre, il n'y avait pas débat, il était pour eux, mais jusqu'à la moitié du deuxième, très honnêtement, je me suis dit, à la fois, mais Manti, sont 20e mondiaux, ils font une saison de 20e mondiaux, ils font pas une saison folle, ils font pas une saison nulle, mais ils font une saison de 20e mondiaux, et là ils sont à deux doigts. Ça sort de nulle part. Mais non, mais c'est fou, puis le niveau de jeu de la semaine et tout, même de la moitié de cette finale, t'es là, mais attends, mais c'est quoi, on est dans un monde parallèle, une faille spatio-temporelle, ils ont un peu été rappelés à la réalité au pire des moments. Aussi parce que Liang Wang ont élevé leur niveau de jeu et ont arrêté de subir, mais ouais, enfin, c'était globalement une bonne finale. Après, quand Liang Wang ont élevé leur niveau de jeu, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, on a vu ce qu'était la différence entre une paire top 3 mondiale et favorite pour les jeux à une paire top 20 mondiale. Ouais, c'est pour ça que les Chinois, ils ont beau être assez jeunes, mentalement ils sont solides, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Ils ont cette paire-là, ils ont quand même pas mal de fois renversé des situations qui étaient très mal engagées. Et tu vois, je pense que c'est ce qui les différencie. Si tu prends le top niveau, tu vois, c'est ce qu'ils ont comme avantage face à Kang Seo ou Rankin et Digetti. Tu vois, c'est que mentalement, ils sont vraiment très très solides, les Chinois. Alors que pourtant, je trouve que en début de match, ils étaient pas mauvais. Hein. Franchement, ils passent pas à côté de leur match, Liang Wang. C'est juste que les Malaisiens étaient dans une sorte de forme où effectivement, ils étaient giga agressifs, ils passaient tout. C'est dur de rentrer dans ton match quand en face t'as des mecs qui t'envoient des grosses bûches et qui te laissent pas jouer, quoi. Mais petit à petit, ils ont réussi à laisser passer l'orage, Liang Wang. Ils étaient menés dans le deuxième, ils ont réussi à revenir, et dans le troisième, il n'y a pas eu beaucoup de débats, donc voilà, titre logique pour Liang Wang, deuxième 1000 de la saison quand même, après le Malaysia Open, et deuxième titre d'ailleurs tout court de la saison. Mais c'est vrai que pour leur parcours, tout a été compliqué. Ils ont galéré à battre Go Izudin en quart, et encore avant, en huitième, ils ont galéré à battre Hassan Setiawan, ce genre de match qui donne envie d'arrêter de regarder du bad quand t'aimes bien Hassan Setiawan. 21-18 au troisième, alors que les Indonésiens étaient largement devant, 16-10 je crois de mémoire. En tout cas, quand j'ai allumé l'ordi à cause de toi, Benoît, ça faisait 16-10, et ensuite je me suis arraché les cheveux. Mais Manti, on partait sur une semaine all time, comme tu pourrais le dire. Victoire au premier tour contre Kang Seo, 21-17 au troisième, puis 21-12 au troisième contre Kjærsgaard, 21-10 au troisième contre Lu Yang, et 29-27, 21-13 contre Gautama Isfahani. Alors Benoît, ils ont, à part Kang Seo, ils n'ont pas battu d'énormes paires, ils ont surtout bénéficié du gros bazar de ce haut de tableau, mais ils auraient, enfin, leur titre aurait été mérité, parce que comme tu l'as dit, ils avaient un très très gros niveau. Ouais, il aurait été mérité, et surtout que de l'autre côté, perso, en fait, oui, il y a ce titre pour Liang Wang et cette réaction en finale, mais j'ai pas non plus été rassuré par leur niveau, et Manti, je trouve que avec la semaine qu'il y a eu, on oubliera forcément qu'ils ont fait finale à l'Indonesia Open, alors que s'il y avait eu un titre, ça aurait un peu scellé cette superbe semaine. Après, ça marche pas toujours comme ça, le sport, même jamais, mais ouais, ils l'auraient mérité, même s'ils ont pas eu le tableau le plus dur de l'histoire de l'Indonesia Open. Non, Et Benoît, pour le coup, le double homme, pour résumer, cette semaine, c'était n'importe quoi. Alors, je pense que, pour le coup, autant il y a des tableaux où on peut tirer des enseignements en vue des jeux, autant là, je pense qu'il n'y aura aucune... Allez, à la rigueur, Liang Wang s'en sorte bien puisqu'il gagne ce titre et ils feront partie des favoris à Paris. Mais pour le coup, je trouve qu'il n'y a rien à retenir puisque aucun des favoris n'a été vraiment à son niveau, je trouve. Même Liang Wang, en fait, ils peuvent faire bien mieux que ce qu'ils ont fait là, malgré le titre, tu vois. Mais pour moi, Liang Wang, c'est ce que je te disais cette semaine, s'ils sortent au deuxième tour, on a un tout autre débat là aujourd'hui. Et pour moi, dans le niveau de jeu, je veux dire, il n'y a pas eu... ça n'aurait pas été foncièrement différent, en fait. Qu'ils soient allés chercher le titre ou qu'ils perdent au deuxième tour, il y a une gestion des money time et tout, mais dans le niveau de jeu et la qualité de jeu produite, le débat aurait été sensiblement le même. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est dur de... Ouais, c'était un peu un foutoir. Après, si je peux t'offrir une transition, tu parles des favoris. Moi, ma paire de favorites, pour les jeux, elle a quand même gagné un match cette semaine. Donc, je vois pas trop ce que tu veux dire quand tu dis c'était n'importe quoi. Bah, c'est ce que j'ai. Moi, c'est surtout ce que j'allais dire. C'est tellement n'importe quoi que les Popov ont gagné un match. C'est pas bien. C'est surtout ça, la preuve ultime. Tirage assez favorable contre les Écossais Don Hall. Mais bon, il fallait aller la chercher, surtout que. Les deux avaient gagné leur premier tour de simple. Et du coup, bon, effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment. Puis en plus, tirage favorable au niveau du classement. Mais ils perdaient 4-0 contre les Écossais, donc ils ne les avaient jamais battus. Victoire 21-18, 23-21. Derrière, il y a défaite 21-11, 21-17 contre Fikri Molana, les Indonésiens. Benoît, est-ce que tu as des choses à me dire sur cette... victoire des Popov qui, mentalement, a eu l'air de leur faire du bien quand même. Ah bah j'espère bien, parce que déjà, ils les avaient jamais battus. Que Don Hall, pour moi, c'est une vraie paire, point, qui est pas facile à prendre. Moi, c'est une paire que j'aime bien, perso. Voilà, après, juger le contenu, oui, ils ont été bons, mais ils sont rarement très mauvais, hein, de toute façon, comme on le dit régulièrement. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est te demander, Ewan, est-ce que tu sais combien de matchs ils ont gagné, enfin combien de tournois ils ont joué cette saison et combien de fois ils ont perdu au premier tour? Ah. Ils ont joué 12 tournois en tout. Ils ont joué 12 tournois cette année. Combien tu penses qu'ils en ont perdu au premier tour? Si tu comptes tout, ils n'ont pas perdu au premier tour des Europes, ils n'ont pas perdu au premier tour des Jeux européens, donc je vais dire 10 fois. Bah, du coup, maintenant, 9 fois. T'es un peu vache parce qu'il y a eu cette demi-finale en Espagne. Ça fait 8 sur 12. Ah, 8 sur 12, ok. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter à cette stat. Ouais, c'est pour ça que je te dis que ce tableau de double, il y a eu beaucoup de surprises parce qu'on n'en a pas parlé, mais tous les favoris, les autres favoris, il y en a qui ont fait n'importe quoi. Alfian Argento, défaite au premier tour contre Carnando Martin. Astrup Rasmussen, c'était pas mauvais. Défaite en demi contre Liang Wang, mais ils prennent quand même 13 et 15, c'est assez sévère. Liu Hu, défaite au premier tour contre Fikri Molana. Heureusement qu'ils sont qualifiés pour les Jeux, eux, parce que sinon... D'ailleurs, défaite contre ceux à qui ils ont pris la place in extremis, Fikri et Molana. Li Wang, nul. Je résume, hein. Eren, victorieux la semaine dernière, pas fou, ils perdent contre Li Yang. Oki Kobayashi, bah, ils perdent contre Eren, donc nul. Chiasso, ils perdent au deuxième tour contre Lu Yang, nul. D'ailleurs, Lu Yang, qui vont se séparer, et dont c'était la dernière victoire ensemble, du coup. Puisqu'ils joueront plus ensemble après les Jeux, ils vont jouer avec des jeunes. Ouais. Donc voilà, Benoît, je pense que finalement les vrais vainqueurs de cette semaine, c'est Ranker et Dichetti qui ont bien fait de pas venir, je pense. Oui, parce qu'on n'a pas eu à les insulter, mais on aurait sans doute fait pareil. Oui, vu leur niveau récent, je pense qu'on les aurait bien insultés parce qu'ils n'auraient pas passé un tour non plus. Moi, je te cache pas qu'Oki Kobayashi, ils ont été très bons, hein. Mais pour gagner un match, personne ne leur a dit qu'il fallait jouer 2-7 en entier. Ce qu'ils ont mené dans ce match, largement dans le deuxième, ils étaient vraiment meilleurs que Eren. Et le problème, c'est que, les gars, il faut gagner deux fois 21 points pour gagner un match au bat. À l'époque des 7 de 15, ils auraient été pas mal, je pense. Ils auraient peut-être passé le tour. Mais maintenant, là, ils ont été un peu courts. Donc j'espère qu'on va leur faire un point règlement avant les Jeux, parce que ça pourrait être utile. Vous l'aurez compris, pas la meilleure semaine pour le double homme. Donc, on va conclure, Benoît. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant de terminer cet épisode, à part que, de mon côté, hâte de revoir tout ce beau monde à Paris avec des favoris qui tiennent leur rang, on espère. Oui, bah on espère très clairement qu'on les reverra à Paris. J'ai pas de doute qu'ils tiendront leur rang, j'espère aussi. Et si tu me permets juste un petit mot, tu sais, tu connais mon amour pour le circuit secondaire, voire tertiaire. J'ai regardé cette semaine des matchs en Lituanie. Et oui, Ewan. Et j'ai regardé les... Ça va, Benoît ? Oui, ça va, très bien. J'ai regardé les deux titres de Cesari Schaffner en double dame et de Joao Torres en double homme, qui étaient respectivement tête de série 2 et tête de série 1, mais c'est leur premier titre aux deux sur le circuit, au moins pour le double dame. Et honnêtement, c'est une paire que j'ai vu jouer plusieurs fois là ces derniers mois, et on est très loin de l'Indonésie encore, mais c'est quand même pas dégueu du tout. Bah tu fais bien d'en parler. Et ouais, effectivement, on est pas mal branché jeu, effectivement, mais effectivement le circuit secondaire, je pense qu'on en parlera un peu plus après Paris, et notamment des joueurs français que tu viens de citer. Et ben sur ce, merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Et puis la prochaine fois qu'on fait un épisode, ce sera en personne, ça faisait longtemps. Exactement ce que j'allais dire, donc merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute. Voilà, puisque petit rappel, nous serons à Nantes à partir de jeudi après-midi pour moi, jusqu'à la fin, donc jusqu'à dimanche, donc si vous passez n'hésitez pas à venir nous voir, à dire ah j'adore ce que vous faites Ewan, trop fort, ce genre de truc. Et du coup, on fera un débrief en fin de semaine, évidemment. Pour tout vous dire, on a vu les joueurs inscrits à l'Australian Open et on s'est dit, on en dira peut-être un mot dans l'épisode de Nantes, mais c'est un 500, mais on compte pas forcément faire d'épisode dessus parce que les tableaux sont déjà un peu vides et vont peut-être encore se vider avec certains joueurs qui ne vont pas y aller. Et début juillet, tournée américaine US Open, Canada Open, on fera sûrement, ce qu'on disait aussi avec Benoît, un épisode pour les deux, parce que pareil, ça va pas être les tableaux les plus fournis, mais du coup, ça va nous libérer du temps pour faire notamment des interviews et des épisodes fin juillet. On va faire un épisode par tableau des jeux, une fois qu'on aura les tirages au sort, avec un auditeur ou une auditrice avec nous à chaque fois, donc c'est toujours... Il est toujours temps de nous envoyer un message si vous voulez faire ces épisodes avec nous. Merci de nous écouter. À la semaine prochaine. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart but empty, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.